Your destiny, votre destinée, is supernatural closeness to God. D'être proche de Dieu d'une manière surnaturelle. To the extent of marriage. Au point du mariage. Ephesians chapter 5. Ephésiens chapitre 5. Verset 30. We are members of his body, of his flesh, membres de son corps, and his bones. Chair et de ses os. For this cause shall a man leave his father and his mother, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, and shall be joined unto his wife, il s'attachera à sa femme, and they two, et les deux, shall be one flesh, deviendront une seule chair. This is a great mystery. Ce mystère est grand. But I speak concerning the church. Je dis cela par rapport à l'église. Hallelujah. Hallelujah. So you see here. He's speaking ici, about the church. Il parle de l'église. And he's saying the two shall be one flesh. Il dit les deux seront une seule chair. You shall be joined together with God, vous vous with your spouse. À Dieu. But he's speaking about the church. Il parle ici d'un couple alors qu'en réalité il parle de l'église. So every time you see a wedding, donc à chaque fois que vous voyez un mariage, people are coming together, les gens viennent ensemble, man and a woman, l'homme et une femme, they are wearing clothes, ils sont bien habillés avec leurs vêtements. Soon they will not be wearing clothes, bientôt ils seront sans and vêtements. They will merge together. Ils vont se joindre. Hey! Hey! It's fantastic. Fantastique. Like they are going to be so close. Mais ils sont tellement proches. They are going to merge. Ils doivent être fusionnés. You are merging with God. Vous fusionnez avec Dieu. Can you believe it? Est-ce que vous pouvez le croire? You are merging with God. Vous fusionnez avec Dieu. Wow. Wow. You see, God is the lovey lovey type. Vous savez, Dieu est le Dieu qui aime. Tell somebody God is the lovey lovey type. Vous savez, Dieu est le type amour amour. How do you say it in French? Lovey, le lovey type, type. Le type amour, amour. Amour, amour. Hein? Amore. Jeremiah chapter 2. Jérémie chapitre 2. Verse 2. Verset 2. Go and cry into the ears of Jerusalem and say, thus says the Lord. Aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. I remember thee. Je me souviens de toi. The kindness of thy youth. De ton amour lorsque tu étais jeune. The love of thine espousals. De ton affection lorsque tu étais fiancé. When thou wentest after me in the wilderness. Quand tu me suivais au désert. In a land that was not sown. Dans une terre inculte. Wow. Wow. I remember how you used to chase me. Je me souviens comment tu me poursuivais. And he said, God wants the love of thine espousals. Dieu veut l'amour d'une fiancée. You know, when people freshly love each other, vous savez, quand votre amour est their frais, love is called. Their love is called the light. Votre amour est appelé la lumière. And sometimes when they have been together for some time. Et quand ça fait un moment que vous êtes ensemble. And that initial love. Cet amour is no initial, more there. Their love is called the darkness. On appelle maintenant cela les ténèbres. It's still love, but it's the love amour, of darkness. Mais c'est l'amour dans les ténèbres. Yes. When people initially love each other, quand les gens se sont aimés, it's called the love of thine espousals. On appelle like l'amour that you had when des époux ou l'amour des fiancés. Each other. He says, how thou wentest after me. Dit comment tu es venu, in tu the wilderness. When I didn't have anything, you were coming for me, you were coming for me, you were coming for me. Quand je n'avais rien, tu étais là dans le désert, tu me poursuivais. Wow, I could feel your love. Je pouvais sentir que tu étais là. This is God complaining, you know. This is not a marriage book. This is God. Un livre de mariage, c'est Dieu qui parle. It's not a marriage book. It's not c'est pas un livre de mariage. Yes. Yeah. You used to chase me. Tu me poursuivais. Now. Comment? One day, a certain brother went to do a sperm test. Un jour, un frère est allé faire un test de sperme. And when they look under the microscope, quand on a regardé au microscope, all the sperms had turned into lizards. Tous les spermes sont devenus des lézards. So, et donc, the doctor told the man, he said, it seems you have not had sex for a long time. He said, oh yeah, it was. Le médecin dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme si tu n'as pas eu fait l'amour depuis longtemps. Turned into lizards. Ils sont ces spermatozoïdes, ils sont devenus des lézards. Mature sperm that have been in there for months and years. Darkness. Lizard. Lizardo. Lizard. He says, I remember when we knew the Lord, we'll come after the Lord. Like how some of us have come to the camp. Say, I've come from far, I come here, so I want to come, I want to be there, I'm flowing, I'm happy to be in church. And a time will come when, dans l'église, a time will come when it's like, you know, huh, so you should come for the camp. Maintenant viens, dites, oh non, mais venir à l'église. God oh, says, I remember. Mais je me suis souvenu. You went after me. You were comment looking. Tu no, me poursuivais? You were looking. C'est for toi me. Qui me poursuivais. Now the sperm have turned into lizards. Et maintenant les spermes sont devenus des lézards. See young girls chasing boys, les jeunes filles. Boys. Francophone, is it not true? Oh, dans le monde francophone, c'est pas vrai. Chasing after boys. Les filles qui courent poursuivent les garçons. But the time comes. Mais un temps vient. You should see sometimes Christians. Vous voyez des chrétiens parfois. The wife is lying there. La femme est là. The husband is lying there. Et l'homme est là à côté couché. It's like Lazarus and the rich man. Et c'est comme Lazare et l'homme riche. Like Lazarus and the rich man. Il y a l'abîme entre les deux. There's a great gulf. Alors que c'est marié et femme. Between them. Comme s'il y a une abîme entre les deux. When you enter the room, you think you are reading Luke chapter 16. Quand tu rentres dans la pièce, c'est comme si tu lis Luc chapitre 16. Do you understand what I'm saying? Vous comprenez ce que je raconte? They don't understand. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Tu comprends? She doesn't understand. Tu comprends ce que je dis? They don't understand. Tu comprends pas? You cannot hear. Tu n'entends pas? Tu comprends français? Do you understand what I was preaching? Tu as compris ce que j'ai prêché? I'm preaching about men and women. And what did I say about men and women? Qu'est-ce que j'ai dit sur l'homme et la femme? No, you see, you need to be heard. You need to speak for them to hear. The volume, yeah. You need to speak for them to hear. not just translate French. You need to speak to their people for them to hear. Because they are, it's completely disconnected from what I'm saying. Yeah. All right. Give him the, he speak in the French camp. Give him the volume for the French. They don't understand what I'm saying. You are laughing and shouting, but somebody doesn't understand. Certains n'écoutent pas derrière. All right. Okay. Amen. Amen. So, et donc, God wants us to love him. Dieu veut qu'on puisse l'aimer. Are you going to love him? Allez-vous l'aimer? Can you imagine somebody like you who should go to hell? Pouvez-vous imaginer une personne comme vous qui va en enfer? You rather are going to be close to God. C'est alors que c'est vous qui devez être proche de Dieu. Wow. That's something. C'est vraiment triste. That is something. Ça c'est quelque chose. Amen. Amen. Amen. Verse 4. Verset 4. Hear ye the word of the Lord. Écoutez la parole de l'Éternel. O house of Jacob and all the families of the house of Israel. Maison de Jacob et vous toute famille de la maison d'Israël. Thus says the Lord. Ainsi parle l'Éternel. What iniquities have your fathers found in me that they have gone far from me? Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi? Amen. Amen. Far. Loin. Far from me. Lower my volume. Lower my volume. Lower my volume. Far from me. Loin de moi. Amen. God doesn't want you to be far. Dieu ne veut pas que vous soyez loin. God wants you to be close. Dieu veut que vous soyez proche. How many are going to be close to God? Comment va être proche that de Dieu? That is your divine destiny. Ça c'est votre destinée divine. Is to be close to your God. C'est d'être proche de votre Dieu. Amen. Amen. Isaiah 54. Ésaïe 54. Isaiah 54. Ésaïe 54. Verse 5. Verset 5. It says, il dit, for thy maker is thine husband. Car ton créateur est ton époux. The Lord of hosts is his name. L'Éternel des armées est son nom. And thy redeemer. Et ton rédempteur. The Holy One of Israel. Et le Saint d'Israël. The God of the whole earth shall he be called. Il se nomme Dieu de toute la terre. It says, thy maker is thine husband. Il est dit, car ton créateur est ton époux. Amen. Amen. This is your destiny. C'est votre destinée. Marriage closely. Le mariage. To God. Qui est proche de Dieu. Closeness. Proche. You're going to be close to God. Devez être proche de Dieu. Yes. This is your future. C'est votre avenir. Very close to the Lord. Être très proche de Dieu. As soon as you speak, your words will be heard in heaven. À un moment où vous parlez, votre voix you sera entendue au ciel. By you. Vous allez sentir sa présence près de you'll vous. Experience him really. Vous allez l'expérimenter réellement. You'll see his power in your life. Vous allez voir sa puissance dans votre vie. You'll hear his voice. Vous allez entendre sa voix speaking to you. Qui vous parle. One night I was a few, last week, la semaine passée, the Holy Spirit woke me up. Le Saint-Esprit m'a réveillé. Two something in the morning. 2 heures et des poussières I le had matin. Slept at around 11 or 12. Je m'étais couché vers en minuit, 23h minuit. But I could feel his presence in the room. Mais je pouvais sentir sa présence dans la pièce. And I knew because of the way I had woken up that it was now morning. It was early morning. Je pouvais le savoir parce qu'au moment où je me suis réveillé, c'était presque le matin. So I was shocked when I saw that it was 2 a.m. and I slept around 12. Et j'étais choqué quand j'ai vu l'heure, c'était 2 heures alors que je me suis couché vers minuit. Spirit spoke to my heart. On your knees. Le Saint-Esprit m'a dit, mets-toi à genoux. Start praying. J'ai commencé à prier. I was on my knees. J'étais à genoux. And he told me what to pray about. Et il m'a dit qu'est-ce qu'il fallait que je prie. You'll be close to the Lord. Vous serez proche de Dieu. You will be close to the Lord. Vous serez proche de Dieu. Amen. Somebody who should have gone to hell. Quelqu'un qui aurait dû aller en enfer. You'll be close to Jesus. Vous serez proche de Jésus. Amen and amen. Amen et amen. Wow. Wow. Jeremiah chapter 3. Jérémie chapitre 3. Verse 1. Verset 1. They say, il dit, if a man put away his wife and she go from him and become another man's, shall he return unto her again? Shall not that land be greatly polluted? Lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-elle encore vers elle? But thou hast played the harlot with many lovers. Le pays même ne serait-il pas souillé et toi tu t'es prostitué à de nombreux amants. Yet return again to me, saith the Lord. Et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. God is this type. Dieu est de ce genre-là. He will never give up his wife. Il ne va jamais abandonner sa femme. She has gone to play the harlot with many lovers. Elle est allée coucher avec de nombreux amants. And he said, if somebody like that comes back to the husband, is the land not polluted? Il dit, mais si une personne comme ça revient, est-ce que c'est pas comme une terre souillée? But I, the Lord, I say, even though you have gone to many people, I say, I like you still. Mais Dieu dit, même si tu es allé vers de nombreux amants, tu reviens vers moi, je t'aime quand même. One day, un jour, a certain brother, un certain frère, went to town, est allé en ville. And when he finished the work he was doing, quand il a fini son travail, earlier than the usual time that he comes home, plutôt que prévu avant de rentrer à la maison. So he decided, il a décidé to go back home, de revenir à la maison. When he got home, quand il arriva à la maison. His wife, sa femme, was playing the harlot with somebody. Jouait la prostituée avec un autre gars. When they told me, et quand ils m'ont dit this case, ce cas, I said in my heart, j'ai dit dans mon cœur, this marriage is finished. Ce mariage est fini. But, mais, to my surprise, à ma grande surprise, and to everybody's surprise, et à la surprise de tout le monde, the husband said, le mari a dit, I like my wife. J'aime ma femme. I like my wife. I don't want another wife. Je veux pas une autre femme. Yes. Oui. Wow. Wow. Amen. Amen. What kind of love is this? Quel genre de vie c'est? Then later I saw they were celebrating anniversary of the marriage. Et plus tard, je les ai vus célébrer un anniversaire de leur mariage. And God himself said, if a man, woman goes to play the harlot and comes back, is the land not polluted like the country is spoilt? Et Dieu lui-même a dit, si une femme joue à la prostituée, est-ce qu'elle ne ressemble pas à une terre souillée? Wow. Polluted. Souillé, pollué. That's God. Mais ça, c'est Dieu. Verse 8. Verset 8. Lift up thine eyes unto the high places and see where thou hast not been lying with in the ways that thou hast sat for them. You see, the places you've slept and how you sat for them, how you did it. As the Arabian in the wilderness. Lève tes yeux vers les hauteurs et regarde. And thou hast polluted the land with thy whoredoms and with thy wickedness. Où ne t'étais-tu pas prostitué, tu te tenais sur les chemins comme l'Arabe dans le désert. Therefore the showers have been withholden and there have been no latter rain. Verset 3, aussi les pluies ont été retenues. Thou hast a horse forehead. Et la pluie du printemps a-t-elle manqué? Thou hast a whore's forehead. Mais tu as eu le front d'une femme prostituée. Thou refuses to be ashamed. You refuse to be ashamed. Tu n'as pas voulu avoir honte. Hey. You refuse, like when shame, I refuse to be ashamed. C'est comme si la honte vient, tu dis je refuse la honte. There is no shame. Il y a pas de honte. And I saw, I think in verse 14, I saw when for all the causes whereby backsliding Israel committed adultery, I had put her away and given her a bill of divorce, yet her treacherous sister Judah feared not, all right, but went and played the harlot also. Et après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi, mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Judah, en a été témoin. Quoique juste répudié l'infidèle Israël à cause de toutes ces adultères que je lui ai donné sa lettre de divorce. Turn, O backsliding children, saith the Lord. Is it verse 20 or 10 or 14? Verset 14. Turn, O backsliding children, saith the Lord. Revenez enfants rebelles, dit l'Éternel. For I am married to you. Car je me suis marié à toi. For I am what? Married to you. Marié à toi. And I will take you of one of a city, two of a family, and I will bring you to Zion. Je vous prendrai une d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Surely, as a wife has treacherously departed from her husband, so have you dealt treacherously with me, O house of Israel, saith the Lord. Mais comme une femme est infidèle à son amant, ainsi m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. Wow. So you see, God sees you as his wife. Donc vous voyez, Dieu vous considère comme sa femme. How many want to be God's wife? Qui veut être la femme de Dieu? What a nice husband to have. Quel merveilleux mari à avoir. So every man has to learn how to be a woman as well. Donc tous les hommes doivent apprendre aussi à être une femme. And every church et toute église has to learn how to be a woman. Doit apprendre à être une femme. What is a woman? C'est quoi une femme? A woman is somebody une femme, who c'est quelqu'un is subject to qui est soumise her husband à son mari. Not independent. Elle n'est pas indépendante of her husband. De son mari. A woman, une femme, a wife, une épouse. You see, that's why you, when you see somebody who is someone's wife, she's more humble than a girl who is not married. Comme vous voyez, la femme de quelqu'un, c'est, elle est beaucoup plus humble qu'une fille qui n'est pas encore mariée. She's more humble. Elle est plus humble. So. But of course, not all wives are humble. Mais c'est pas toutes les femmes qui sont humbles, bien sûr. Some are not humble. Certaines sont plus humbles. Some are beasts. D'autres sont des bêtes. Wife. Les femmes. Subject. Soumises. To. À. Under. En dessous. So we must be subject to Christ. Donc on doit être en dessous. Not our own. Church is not soumis à Christ parce que l'église it's c'est God's pas pour church. Nous. C'est l'église de Dieu. All that we have here. Tout ce qu'on a ici is for the Lord. C'est pour le Seigneur. I'm only here for a few years. Je suis ici que pendant quelques années. So are you only here for a few years? Et vous aussi vous êtes là que pendant quelques années. We go. Après on partira. It is his church. C'est son église. Amen. Amen. It is what? C'est quoi? His church. Son église. We must be subject to his church, to him. On doit être soumis à lui. Follow him. Le suivre. Do what he wants. Faire ce qu'il veut. Become what he wants. Devenir qui il veut. Yeah. Every husband wants something different from his wife. Tous les maris veulent quelque chose de différent par rapport à leur femme. If you have been had the chance to marry. Si vous avez la chance de vous marier. Twice, or if you've had deux boyfriends, fois. Ou même si vous avez eu some deux of you have had a number of boyfriends. Certains ont eu beaucoup de petits amis. A And you will know if et you vous have saurez, had a number of boyfriends, si vous avez eu des that petits each copains, of them wants something different. Vous saurez que chaque homme que vous avez eu veut quelque chose de différent. True or not true? Vrai ou pas vrai? What are the different things the boyfriends want? Quelles sont les choses différentes que chaque copain que vous avez eu veut? Look, those who speak French cannot hear. Ceux qui parlent français n'arrivent pas à entendre. So let them hear. Alors laissez-les entendre. Ok. Now, what are the different things? Quelles sont les différentes choses? Some of them want respect. Certains. Some of them want what? Respect. Certains veulent le respect. Some of them want d'autres sex. Veulent le sexe. Some of them. D'autres. Bon. Oh, food. They want food too. Ils veulent tous and they à also manger. Want to be serving. As a boyfriend? Yes. Mais ils veulent qu'on le ne peut pas qu'on le yes. What are the differences? Et les autres différences c'est quoi? Oh, the difference between respect and no, different other different things the boys want. Les différentes choses entre les copains, dans leurs exigences. Bring water for this guy. Apportez de l'eau à cet homme là. Apportez-lui de l'eau. Okay. Okay, she has spoken. Thank you. Thank you. Well done. Well done. Next. Prochaine personne. Tell us real things. Dis-nous les choses réelles. Je vais parler en français. Parlez. Okay. Certains. Some. Petits amis recherchent. Let her finish and then you say. Okay. Les petits amis recherchent. Pas une femme, mais s'amuser avec elle. Some boyfriend don't look after a girl, but they don't want to be with a wife, but they want just to play with a girl. Yeah. They just want to play with you. Toucher les seins, faire le sexe. They want to touch breasts. Quiet, yes. Yeah. Toucher les seins, toucher les fesses. Et parfois, breast, buttons. Et parfois même, ils vont enceinter la fille et la laisser partir. Sometimes they'll make the girl pregnant and then they will leave her. If you are pregnant, they want to touch. They want to touch your breast, touch your bum. Get you pregnant and leave you. And some. Et d'autres. Different ones? Or all the ones you know are like that? No. Tous les, and yeah, some are like what? Okay, d'autres aiment qu'on prenne soin d'eux. D'autres they want to be taken care of. Yeah, quoi encore? L'argent? Yeah, d'autres aiment qu'on leur donne de l'argent. Some others want to receive money from the girl. The girls just want money. The girls want money. Different ones, but some of the boys don't give money. Les garçons donnent de l'argent aussi. Et d'autres garçons ne donnent pas l'argent. Occasionnellement, mais pas tout le temps. Not often. Sometimes, but not often. The boys give money, but not often. Not often. They want to play. They don't want to give money. Yeah. They don't want to play. They want to play without paying. Ils veulent jouer sans payer, d'autres garçons. Wow. Sit down. Prenez place. So, et donc, what was the point I was making? Qu'est-ce que je voulais dire? I was saying that there are different expectations. Des différentes attentes. From different marriages. De différents mariages. Or different relationships. Ou de différentes relations. And depending on the boy. Et suivant le garçon. Some just want sex. Certains veulent le sexe. Some want friends. D'autres veulent un ami. Some even want marriage. D'autres veulent le some mariage. Don't want to marry. D'autres ne veulent pas se marier. But depending on the boy. Et suivant le type de garçon. Or whatever. Ou quoi que ce the soit. The relationship is going a certain way. La relation va prendre un certain sens. When it comes to God. Quand il s'agit de Dieu. You have to know what he wants. Vous devez savoir ce qu'il veut. What does he want? Qu'est-ce qu'il veut? From you. De vous. And you have to flow with it. Et vous devez suivre cela. Because there are some boys, if you don't give them sex, there's no relationship. Et il y a d'autres, quand tu leur donnes le sexe, il n'y a plus de relation, comme des garçons. And there are some girls, if you don't give them money, there's no relationship. Et il y a d'autres garçons, quand tu ne leur donnes pas l'argent, il n'y a plus de relation. Oh? N'est-ce pas? No money, nothing. Pas d'argent, pas de relation. Bring cash first. It's called lay prostitutes. On appelle ça des prostituées laïques. Laïque. All right. Number nine. Your destiny. Votre destinée is to be a glorious church. Et d'être une église glorieuse. Ephesians chapter 5, Ephesians verse 27, 5, that he might present it to himself, qui se présentera, a glorious church, comme une église glorieuse, not having spot, sans tache, wrinkle, ni ride, or any such thing, ni rien de semblable, but that it should be mais holy and without blemish, et irrépréhensible. Wow. Wow. Amen. Amen. Is it amazing? N'est-ce pas étonnant? So God has a plan for you. Donc to Dieu be a un plan a glorious mission Jésus qui guérit. Glorious. C'est glorieux. Without spot. Sans tache. Without wrinkle. Ni ride. Now, beauty. La beauté maintenant. Is affected greatly by two things. Est grandement affecté par deux choses. Number one. Point un. Spots. Les rides. And number two, wrinkles. Et deux, les rides. These are the two. Ce sont les deux takeaways. Choses qui enlèvent from beauty. La beauté. Spots. Les taches. And wrinkles. Et les rides. Now spots. Les taches. Spiritual spots, les taches spirituelles, and physical spots, et physiques. Spiritual wrinkles, les rides spirituelles, and physical wrinkles, et les rides physiques. So he says you're going to be a glorious church without these two things, spots or wrinkles. Vous serez une église glorieuse si vous n'avez pas ces deux choses. What are pas de taches, pas de rides. Spots. Quelles sont les taches? Spots. Les taches. Spots are like sin. Les taches sont comme le péché and evil et le mal in the church. Dans l'église. Yeah. You see, although you may not know, it is spots and wrinkles that make people not marry certain people. C'est à cause des taches et des rites que certains n'épousent pas certaines filles. Jude, verse 12. Jude. It says in verse 11, woe unto them, they have gone in the way of Cain and ran greedily after the error of Balaam for reward, perishing in the gainsaying of Kor. Malheur à eux car ils ont suivi la voie de Caïn et se sont jetés dans, pour un salaire. These are spots. These are what? Verset 12. Spots. Ce sont des taches, des écueils. They are spots in verse 12. Verset 12. In your feasts of charity. Dans vos agapés. When they feast with you, feeding themselves without fear, clouds without water, carried about of wind, trees whose fruit withered, without fruit, twice dead, plucked up from the roots, raging of the sea, foaming out their own shame, wandering stars, to whom is reserved the blackness of darkness forever. This is a spot. Ça, c'est une tâche. Hey. Are you there? Vous y êtes? Amen. Amen. 2 Peter chapter 2, Deux Pierre, chapitre 2, verse 13, verset 13, it speaks of spots, or verse angel, verse 11. Whereas angels are greater, 2 Peter 2:11, are greater in power and might, bring not accusation against them before the Lord. But these, as natural brute beasts, mais eux semblables à des brutes, made to be taken and destroyed, speak evil of things they do not understand, and utterly perish in their own corruption. They shall receive the reward of unrighteousness, 13. As they that count it pleasure to riot in the daytime. Spots they are, and blemishes, spotting themselves with their own deceivings, while they feast with you, having eyes full of adultery, 14. That cannot cease from sin, beguiling unstable souls, a heart they have exercised with covetous practices, cursed children, which are forsaken the right way and are gone astray, following the way of Balaam, the son of Bosor, who loved the wages of unrighteousness. These are spots. Ce sont des tâches. Now, two things I want to comment on spots. J'aimerais te commenter deux choses sur les tâches. One, spots are natural brute beasts. Les taches sont des choses naturelles qui sont comme brutes en nous. You see, every Christian, vous savez, chaque chrétien is supposed to be spirit controlled. Est censé être contrôlé par l'esprit. Anytime you have a Christian who is naturally a brute beast, à chaque fois que vous avez un chrétien qui est comme une brute, une bête, he does what he wants to do naturally. Il fait des choses qu'il a envie de faire naturellement. He descends to the level of an animal. Il descend brute beast. Au niveau d'un animal comme une bête brute. If you have time, you can look at the cows outside. They will have sex this afternoon, maybe for you to see. Si vous voulez regarder aux vaches dehors, vous verrez qu'ils peuvent faire, ils peuvent avoir du sexe même cet après-midi. No inhibition. So when you have people who do that qui font cela, all the time, tout le temps, like a lot of francophone countries, comme dans beaucoup de pays francophones, you see that vous verrez, you are becoming natural brute beasts. Vous devenez comme des bêtes brutes naturelles. True or not true? Vrai ou pas vrai? Now, you cannot have that in the church. Vous pouvez pas voir cela dans l'église. Amen. Amen. You cannot. Vous ne pouvez pas. It's a spot. C'est une tâche. And you won't be married. Et vous ne serez pas marié. A certain closeness to the Lord that will not work. Et une certaine proximité avec Dieu ne marchera pas. One day, un jour, I watched a film. J'ai regardé un film. And in the film there was a house full of prostitutes. Et dans ce film, il y avait une maison remplie de prostituées. These prostitutes were available for anyone who was passing by. Et ces prostituées étaient disponibles pour n'importe quel passant. It's the oldest profession in the world. C'est la profession la plus ancienne dans le monde. And one day, a young man came into the house and asked for a prostitute. Et un jour, un jeune homme est entré dans la maison et demandé une prostituée. He paid and he was given one of the ladies. Il a payé, on lui a donné une des femmes. When he went in, quand il est entré, he was so excited. Il était excité. But this girl, mais cette femme là, super experienced, qui était surexpérimentée. So, when he started, quand il a commencé, to do whatever, pour faire quoi que ce soit qu'il she voulait, burst out laughing. Elle a commencé à s'éclater de rire. I don't know whether she was laughing at him or whatever, but c'est passé, s'est moqué de lui ou d'autre chose. She started laughing. Elle a commencé à and rire. Then she controlled herself. Et elle s'est contrôlée. And she stopped laughing. Et elle s'est arrêtée. But the boy, mais l'homme, le garçon, could not take that laughter. Ne pouvait pas supporter ce rire-là. No, no, no, no. Non, non, non, non. So he started to beat her. Il a commencé à la battre. And then took a knife. Il a pris un couteau. And started to cut her face. Il a commencé à couper son visage. Yeah. And he cut her face and they were screaming and the people rushed into the room. Il avait coupé son visage et les gens couru dans la pièce. The lady. Ils sont venus protéger la femme. Are you with me? Est-ce que vous me suivez? Now. Maintenant. After they arrested the boy. Après, ils ont arrêté le garçon. They told the boy, ils ont dit au garçon. They told they had a trial and they said he should pay two horses. On lui a dit de payer deux chevaux. To the lady. À la femme. And then they said that the prostitutes in the house said no, it cannot be. Prostituées dans la maison ont dit non, ça ne peut pas se faire. And they said they were going to whip him. Ils ont dit ils vont. They whipped him and they said he should pay, but he didn't even pay. On dit ils vont la violer mais ne même pas payer. So the ladies came together. Et donc les femmes sont venues ensemble. Including the one who had now a spotted and scarred face. Et elles ont couvert la femme qui avait des cicatrices sur le visage. That now that the lady's face is like this, whenever people come. Maintenant que la femme a des cicatrices sur le visage, quand il y aura quelqu'un qui va venir et qui veulent quelqu'un pour coucher avec, personne ne va la choisir. Vous comprenez? Parce que comme si quand elle va venir, ils auront peur du visage. Et donc, ce qu'il disait, c'est que cet homme a enlevé son travail et toute sa vie. And you are giving her two horses, et à la place, vous lui donnez deux chevaux. Et vous avez fouetté le garçon. Cannot be. Elle dit non, ça ne peut pas se faire. Cannot be. Non. So they came together, donc, ils se sont rassemblés. And they brought all their money, et ils ont rassemblé tout leur argent. And went and hired a killer. Et ils sont allés embaucher un tueur. To kill the man. Un assassin pour aller tuer cet homme-là. That's the whole story. Ça, c'est toute l'histoire du film. Yes. And in the end, they killed him. Et à la fin, l'assassin l'a tué. They hired these old killers. Ils ont embauché un assassin. Are you understanding? Vous comprenez? Because when the spots are on the face, pourquoi? Parce que quand il y a des taches sur le visage, wow, because at least your face is what we see before they see the other part. Parce que quand l'homme vient, la première chose qu'il va voir, c'est d'abord le visage. Even if the other parts are not working, the face must be the initial. Avant de voir le reste du corps, même si ça fonctionne pas, mais le visage, c'est la première chose qu'il va regarder. Hey! So when Jesus says, "I'm going to build my church a glorious church without spots," et quand Jésus a dit, je vais construire mon église sans tache, without spots, sans tache, when the spots are there, quand il y a des taches, your attractiveness is down, votre niveau d'attraction est baisse, and these are spots, et ça ce sont des when taches. When people behave like natural brute beasts, quand des gens se comportent comme des bêtes like naturelles, brutes. I feel like stealing, I steal. J'ai envie de voler, je vole. Sex, I sex. J'ai envie de drinking, sexe. I drink. Sex. Anything I do. J'ai envie de I boire. Do. Je bois. Even though I'm in church. Même si je suis dans l'église. Natural, brute, beasts. Des bêtes naturelles et brutes. Look, it is animals who don't have weddings. Ce sont les animaux qui n'ont pas de mariage. They don't need to marry. Ils n'ont pas besoin de se marier. To have sex. Pour avoir du sexe. I see you. I have sex with you. Je te vois. On fait le sexe ensemble. If we were animals, sont des animaux. After church, I'll say, okay, 1, 2, 3, follow me. Sont les animaux qui vont dire à l'église, ok, 1, 2, 3, suis-moi. This is an animal. C'est un animal. And then these ones who have come from Geneva, they also pick, oh, 2, 3, 4, come. Okay. 5, 6, et celles qui viennent de Genève, ok, 4, 5, 6. I'll be asking, can you handle all three? Et qui va dire, mais tu peux gérer trois filles? All three, okay. Oh, oui, je pense que. This one take two. L'autre il a pris deux filles. But why the bishop have three? We have only one. Oui, mais pourquoi l'évêque il a trois filles? Moi j'ai seulement une fille. That's animals. Ce sont des animaux. We descend from the high. Vous descendez God made us in his image. Du niveau où Dieu nous a fait à son image. And we come down et vous baissez to the level of dogs, au niveau des chiens, cows, des lions, chevaux, des lions, pigs, des porcs, cats, chickens, des poulets, des crocodiles. Hey! Hey! Your destiny is a glorious church. Votre destinée est une église glorieuse. Without spots. Sans tache. Yes. Oh oui. Without spots. Sit down. Sans tache. Prenez place. I'm on the spots. Je suis sur les taches. Are you there? Vous y êtes? Now. Verse 10. Verset 10. Chiefly them which walk after the flesh in the lust of uncleanness and despise governments. Et qui méprisent l'autorité. Presumptuous they are. Audacieux, présomptueux. Self-willed. Arrogants, tournés vers leur propre volonté. They are not afraid to speak evil of dignities. Ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Hein? These are spots. Ça, ce sont des tâches. People who despise government. Des gens qui méprisent l'autorité. It says, whereas even angels, which are greater in power and might bring not railing accusation before the Lord, but these, as natural brute beasts who are made to be taken and destroyed, speak evil of things they do not understand, and shall utterly perish in their own corruption, and shall receive the reward of righteousness as they that count it pleasure to riot in the daytime. Spots they are, and blemishes, spotting themselves with their own deceivings while they feast with you. Spots they are. So despising government. Donc mépriser le gouvernement. You must not despise when you are in the church and you despise the authority. Quand vous êtes dans l'église et vous méprisez l'autorité, you become a spot. Vous devenez une tache in the church. Dans l'église. And you despise the authority, the dignities. Vous méprisez l'autorité, la dignité, and the governments, et le gouvernement de l'église. So as we are establishing mission Jésus, alors qu'on établit la mission Jésus qui guérit, you must not despise the government. Vous ne devez pas mépriser l'autorité. Now, maintenant, some years ago, il y a des années, I saw my Simon. J'ai vu Simone. She was in the church. Elle était dans l'église. I knew her before she got married. Je l'ai connue avant qu'elle se marie. Many years ago. Il y a des années. Yes. I officiated her wedding. Et j'ai officié leur mariage. Now, one day I said to her, go and start a church. Va commence une église. French. En français. That's how come we are all here. C'est pour cela qu'on est tous ici. Now, maintenant, if you despise, si vous méprisez maintenant the lady that I sent to you, la femme que je vous ai envoyée, you will never be here today. Vous ne serez jamais là. You'll never be anywhere. Vous ne seriez nulle part. You see, you cannot make yourself a king. Vous ne pouvez pas faire de vous-même see, un roi. I can't make myself the president of Ghana. Je ne peux pas faire de moi-même le président du Ghana. You cannot. Je ne peux pas. I'm not the president. I'm not the president. Everybody will je suis le président. Je suis le président. Tout le monde va se moquer de toi. I have a good idea. I have a good idea. J'ai des bonnes idées. J'ai des bonnes idées. Cannot work. Non. Ça ne fonctionne pas. Somebody has to put you there. Quelqu'un doit te placer là. So if you despise it, et donc si tu méprises cela, you are a spot. Tu es une tache. And you are a brute beast. Tu es une bête brute. Naturally made to be destroyed. Animals, naturellement like the cows, fait the cows that we are going to, the cows you see, we are going to eat all of them. We vous savez les vaches qui sont là, on va les voir tous, vous allez observer. Vous allez voir comment ils mangent. They are made, their destiny is to be eaten. Leur destinée c'est d'être mangé. Sit down. Prenez place. Now, maintenant, you find vous trouverez all the time in the church, à chaque fois dans l'église, authorities and governments, l'autorité et le gouvernement are established. Qui sont établis. You must respect it. Vous devez respecter cela. You must honor it. Vous devez honorer cela. Otherwise, sinon, you will never be honored. Vous ne serez jamais honoré. Amen. You will Amen. Never be honored. Now, if somebody is consecrated si as a bishop, est consacré comme évêque, you must respect it. Vous devez respecter cela. That's the highest position, comme la position la plus we haute have in the church. Qu'on a dans l'église. And if it's a lady is made what we call a sister. Et si on fait d'une femme ce qu'on appelle like une sœur. Like how in the Catholic Church they have sisters. Comme on a dans l'église des sœurs. That's the equivalent of the bishop. C'est l'équivalent you d'un must évêque. Respect it. Vous devez there respecter there cela. There reasons. Yeah. Il y a des raisons. But you may not know. Mais peut-être que vous ne le saviez pas. Are you with me? Est-ce que vous me suivez? I give you an example. Je vous donne un exemple. This man is, cet homme. Don't worry, don't bother to start. You are living in where? Genève. Tu vis à Genève. Good. And you are living where, please? Et toi? France. Geneva? Yeah. Geneva, yes. Je vis à Genève. Now, I want to transfer you to Burkina Faso. Je vais te transférer au Burkina Faso. Are you kidding? Yes, Bishop. And this one too. Et lui aussi. Bishop, can I see you after? After church. He wants to see me when? Il veut me voir church. Quand? Après. Sit down. So. Et donc. So. The reason that he wants to see me after. La raison pour laquelle il veut me voir is après. Because he cannot go to the Burkina Faso. Parce qu'il ne peut pas aller là-bas. He needs to see me later. Il veut me voir plus tard. Now, this man, stand up. Cet homme, he was in Takoradi. He's in Takoradi. And his wife, et sa, he was, they were staying in living in Takoradi. Sa femme vivait et lui vivait they à Takoradi. They already have the church and everything. Ils avaient commencé déjà l'église et tout. And a good job. Ils avaient un bon and emploi. They have a school, big, their parents' school and whatever in Ghana. Ils avaient and tout. I said, go to Burkina Faso. Et je lui ai dit, pars au Burkina Faso. Yes. Et il est parti. So this one could not go. Et donc lui veut pas aller. This one could not go. Lui veut pas aller. This one can go. Lui peut aller. There's a difference. Il y a une différence. So if later. Et donc si plus tard. I make this one a bishop. Je fais de lui un évêque. And this one comes to tell me that he is older than him. Et lui vient me dire je suis plus âgé que lui. Do you understand? Est-ce que vous me suivez? Hein? It's a sport. C'est une tâche. It's a sport. C'est une tâche. It's a sport. C'est une tâche. Destin, you are like a cow. Tu es comme une vache. Being red so that we can eat you. Qu'on fait grandir pour qu'on puisse bien le manger après. So there are reasons for things. Donc il y a des raisons why pour les choses. Why did I make this one? Pourquoi j'ai fait de celle-ci into a sister and this one I didn't do that. Et celle est devenue une sœur et elle ne l'est pas l'autre. There's a reason. Il y a des raisons. Not every day I can give you a reason for what. C'est pas tous les jours que je te donnerai la raison de ce que je fais. It just happens that today I have good example. I have 1, 2, 3. They're all sitting together. C'est juste qu'aujourd'hui, comme par hasard, j'ai de bons exemples. Ils sont 1, 2, 3 assis ensemble. Yes. Oui. And to ask this one to be in a full-time ministry. Et j'ai demandé même qu'il soit au ministère à plein temps. If I was not in full-time ministry, si I could not be here this morning. I have to be at the clinic. Si j'étais pas dans le ministère à plein temps, je ne serais pas avec vous ici. Je serais dans une clinique. I have to be at the clinic. Je serais à la clinique. I have today asked for 2 days off. Et aujourd'hui, ça aurait été 2 jours de congé que j'aurais pris. Thursday and Friday. If I can get somebody to replace me in the clinic for Thursday and Friday. Et je devrais trouver quelqu'un jeudi, vendredi pour me remplacer à la clinique pour que je sois ici. So to take the decision I have taken to be in a full-time ministry. Donc pour prendre la décision d'être dans le ministère à plein temps. Sets me apart. M'a mise à part. From somebody who cannot take that decision. Par rapport à quelqu'un qui ne peut pas prendre la même décision. Hallelujah. Are you understanding what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? So what I am saying to you, what I'm saying to you, ce que je vous dis, is that there are reasons. C'est qu'il y a des raisons for things. Pour des choses. But a brute beast. Mais une bête brute doesn't know the difference between this woman and that one. You are a woman. I'm coming for you. Ne saura pas la différence entre telle fille et telle fille. C'est juste une fille. C'est tout ce qu'il voit. He doesn't what? Understand. Il ne comprend pas. That's a spot. C'est une tache. And a wrinkle. No, et une ride. We are coming to wrinkles. Et une ride. Bon, on n'est pas encore arrivé à la ride. Yes, I'm talking of spots. Je parle de taches d'abord. Je vais parler de rides après. Are you with me? Est-ce que vous me suivez? Now, this one, celui-ci, stand up, lève-toi. Used to live in Benin. Il vivait au Bénin. How many years? Combien d'années? 8 years. 8 ans. And one day, et un jour, I called him. Je l'ai appelé. And I shouted at him. Et je lui ai gueulé dessus. I shouted at him. J'ai crié sur lui. Wait. Attendez. And he's still in the church. Et il est toujours à l'église. He's still happy. Il est toujours heureux. He's still smiling. Il sourit toujours. Some of you, certains d'entre vous, if I raise my voice like this, si je lève un peu ma voix, aïe! You will start. Who do you think you are? Tu vas te lever, te dire, mais tu penses que tu es qui? How do you say in Benin? Your vovi? Quand tu es métis. Your vovi, you shout at me like that. Tu es métis, tu me cries comme ça. How do you say it in where the other place? Toi le Mundele là. Togo is what? Your vovi? Wakanga. Otangani. Otangani, you just saw le Kangani là. How do they say it in Senegal? Touba. Toi le Touba là. Rouget. C'est là, c'est là, c'est là. Prenez place. So one day, et un jour, I called him, stand up. Je l'ai appelé. And then I shouted at him. Et je lui ai crié dessus. Huh? He cried. Il a même pleuré. And I said, get out of Benin. J'ai dit, sors du Bénin. And he jumped out. Il est sorti. And he was still not angry. Il n'était pas en colère. Huh? Still happy. Toujours heureux. Then I said to him, okay. Et je lui ai dit, go to Côte d'Ivoire. Va en Côte d'Ivoire. Still happy. Il est toujours heureux. You, vous, if I am to do that, si je devais faire la même chose, may not be, work in the same way. Tu n'agirais pas de la même façon. One day I call him, si un jour je l'appelle, I say, okay, you are now being made into a bishop. J'aimerais que tu deviennes évêque. Don't be angry. Ne soyez pas en colère. Do you understand my preaching? Est-ce que vous comprenez ma prédication? A brute beast, une bête, doesn't understand brute things. Il ne comprend pas les choses. He doesn't think too far. Il ne pense pas loin. He cannot see the differences. Il ne peut pas voir les différences. He doesn't understand. Il ne comprend pas. So I am saying this. Je dis ceci. Whoever is placed there as a pastor. Celui qui est placé là comme pasteur. You may speak French better than the pastor. Vous pouvez parler français mieux que le pasteur. It's not about speaking French. Not about speaking French. You may be older. Vous pouvez être plus âgé. You may be what? Plus âgé. Older. Yes, like Pastor Sebo here, maybe older than. Il est plus âgé, par exemple. He has been with Bishop Paul since the first day I saw him. Et ça fait this man. Look at his gray. Et lui, ça fait 10 ans qu'il est avec Paul. Regardez son âge. Regardez ses cheveux blancs. 60. Et il a 65 years old. Il a 65 ans. Is what? This can be his son. Yes. His son is older than. Son fils est plus âgé qu'il est avec Paul. In the church, we don't go by age. Mais dans l'église, on ne va pas par rapport à l'âge. Recently, I was in Brazil. Récemment, j'étais au Brésil. And I met Reinhard Bonnke. Et j'ai rencontré Reinhard Bonnke. And I met Colenda, who is the young man who is taking over from him. Et j'ai rencontré Colenda qui le remplace dans le ministère. When Bonnke was introducing the young man, he said, "This is now the head of." He's the overall head of Christ for all nations. Et quand Reinhard Bonnke introduisait Colenda, il a dit, c'est lui maintenant le responsable, la tête under him. De tout le ministère. And he said, he can be my son or my grandson. Il a dit, il peut être mon fils ou mon petit-fils. Based on his age. Par rapport à son age. His son or his grandson. Fils ou petit-fils. But he's now appointed him. Mais il l'a nommé comme la tête. And all the people, most of the people that work for Bonnke are now working for him. Et des gens qui travaillent pour Bonnke, including travaillent pour lui. The crusade director, the main crusade director for Bonnke, Mr. Darko, is the same person working for this. En incluant le directeur des croisades qui travaille pour Bonnke, travaille maintenant pour Colenda. So I am saying to you. Et donc je vous dis, we are not brute beasts here. Nous ne sommes pas des bêtes brutes. And you must respect authority. Et vous devez respecter l'autorité. Once something is appointed or ordained or set, you must not fight it. Quand quelque chose est nommé ou mis en place, vous ne devez pas combattre cela. Directly or indirectly. Que ça soit direct ou indirectement. Or with your face or your attitude. Que ça soit par ton visage ou ton attitude. There are some people, they fight even when the preacher is preaching, they fight him with the face. Il y a des gens, même quand on la prend en photo, ils se battent dans la photo en changeant le visage. They oppose the preaching. Ils opposent la prédication. So these are spots. Et ce sont des tâches. These two things, ces deux choses-là, will never allow you to be chosen. Ne vous permettront pas d'être choisi. One day, un jour, I had a meeting with some people who were potential bishops. J'ai eu une réunion avec des gens qui étaient des évêques potentiels. There were about 25 of them. Il y en avait à peu près 25. And out of the 25 of them, et sur les 25, I chose about 3 or 4 of them. I said, "You, I'm going to make you a bishop." Je n'ai choisi 3 ou 4. J'ai dit, toi, tu seras then évêque. I said, "All those who I'm not going to make bishop, I'm going to explain to you why." Et vous, les autres, je vais vous dire pourquoi je ne vous choisis pas comme évêque. So I took them one by one. Et donc je les ai pris les uns and après I les explained. Autres. Et j'ai expliqué. One of them. Un d'eux. I told him. I said, "Do you remember?" Je dis, tu te souviens? When this man was sent to your area. Quand cet homme a été envoyé dans ta zone, you were always having problems with him. Tu avais toujours des problèmes avec lui. Conflict. Des conflits with avec this person. Cette personne-là who was sent there. Qui a été envoyé là-bas où tu étais. Over you. Ce qui devait être supérieur à toi. That is the reason why. Because je dis ça, c'est la raison. When I put a chair, parce que quand je mets une chaise, this chair, no chair, no more. When I put a chair there, quand je mets une chaise, instead of, and I put somebody in the chair, and I brought a chair of authority. Et je mets une chaise d'autorité instead là. Of you to respect the chair, et au lieu de respecter la chaise, you came and poo-poo on the chair. Poo! Vous venez faire caca sur la chaise. And came back again and poo-poo two more times. Poo! Poo! Et vous venez en faire caca encore deux fois sur la chaise. On my authority that I put there. Sous l'autorité que j'ai mis là. And today, et aujourd'hui, you want me to take this same chair, tu veux que je prenne la même chaise, give it to you, que je te la donne, after you just destroyed it. Après que tu l'aies détruite. You just destroyed it. Tu l'as détruite. You came, you took your knife, tu es venu, tu as pris ton couteau, tu as percé, papa, and you walked out. Et tu es sorti. When we put somebody quand on a mis quelqu'un over and say, this person should be there. Comme supérieur, on a dit, il doit être là. If you fight it, si tu le combats, you are saying that I don't like this chair ever. Tu veux dire par là I que je n'aime pas want to be there. Cette chaise, je ne veux pas être yes. assis là-bas aussi un Because jour. I am insulting authority, parce que j'insulte l'autorité and it disqualifies you et ça vous disqualifie from ever sitting in such a place of authority. De ne jamais vous asseoir un jour sur ce genre de siège. Are you understanding what I am talking Est-ce about? Que vous comprenez ce que je dis? You see, there are some things when that girl was cut in her face. Vous savez, comme dans cette she histoire, knew she would never be able to get customers again unless maybe all the ladies are used up and maybe she's there and the man is knight. And they can't see her face. I mean, comme dans l'histoire avec la fille avec des cicatrices, la prostituée, elle savait qu'elle n'avait plus aucune chance à moins de tomber sur un homme qui n'a plus personne blind. En yes. plein milieu du noir. Yes. Even blind people même les aveugles have a way of seeing beauty. Ont leur façon de reconnaître si une one personne day, est beau ou belle. One day I was talking to somebody whose beloved was blind. Un jour, je parlais à quelqu'un qui avait un bien-aimé qui était aveugle. And I ask her, how does he know you are beautiful? Et je lui ai demandé comment il fait pour savoir que tu es belle. She said, oh, a blind person has his own way of knowing. Et elle a dit, une personne aveugle yeah. a sa façon de reconnaître des personnes belles. Yeah. They have their own way of knowing. Dans leur façon de savoir. They are beautiful. Si la personne est belle. You want me to tell you the way? Vous voulez que je vous dise comment? After church, I cannot tell you. Après l'église, je ne vous dirai pas maintenant. Yeah. Oui. So when you see such spots, et quand vous voyez ce genre de taches, even on your shirt, when there's a big yellow oil, you say, I cannot wear this shirt. Quand tu vois sur ta chemise jaune, tu dis non, je peux plus mettre cette chemise. Anybody who has such a spot, that you can't be used for certain things. Toute personne qui a ce genre de taches ne peut plus être utilisée pour certaines choses. Ça ne fonctionnera pas. And the other spot. Et les autres tâches, spots, j'ai juste mentionné deux tâches. Spot, il y en a trois. One is yellow, un c'est one is green. Jaune, l'autre c'est vert. One is yellow, one is red. L'autre c'est jaune, pardon, l'autre c'est rouge. Is le rouge maintenant. The sin, c'est les péchés. Sexual sin. Les péchés sexuels. You cannot be a brute beast. Tu ne peux pas être une bête brute. Be in authority et être en mission Jésus. Et être en autorité internationale. Dans l'église Mission Jésus qui guérit international. Amen. Supposing Sister Simon supposons que la sœur Simone was sleeping with all the young men couchait avec tous les jeunes hommes. Hein? The young guys. Tous les jeunes garçons. Supposing that's what she was doing. Do you think the church can work well? Est-ce que vous pensez que l'église allait bien marcher? Do you think that older ladies don't like young men? Est-ce que vous they pensez really pas like que young men? Des femmes plus âgées aiment les jeunes garçons? Elles older aiment ladies, les jeunes garçons. They like because the young men are strong. Parce que les jeunes garçons sont forts. Older ladies don't like. They do. Les jeunes, les femmes âgées. That is what she is doing. It cannot work. Si elle faisait ça, ça ne l'est pas marché. Amen. They call it what toy boys. Ils appellent les garçons jouets. And if you are a brother, si tu es un frère, and you are in charge, et tu es responsable, you are sleeping with the ladies. Tu couches avec les filles. It cannot work. Ça ne va pas marcher. So if God is going to choose you and use you, donc si Dieu veut te choisir et t'utiliser, you need to become a glorious church and take up these spots. Et tu veux devenir une église glorieuse, il faut enlever ces taches. The person sitting next to you, donc dis à la personne près de toi, regarde dans ses yeux, regarde dans ses yeux. Young lady, dis jeune femme, your fornications, la fornication, must come to an end now. Arrive à sa fin maintenant. Have they agreed to stop? Est-ce qu'elles sont d'accord d'arrêter? Have they agreed to stop? Est-ce qu'elles sont d'accord d'arrêter? Can a francophone stop doing that? Est-ce que les francophones peuvent arrêter de faire cela? Is it possible? Est-ce que c'est possible? Then ask your neighbor, so why have you not stopped up till now? Demande à ton voisin, pourquoi tu n'as pas arrêté jusqu'à maintenant? Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas arrêté de faire ça jusqu'à maintenant? What did they say? What did they say? Qu'est-ce qu'elles ont dit? Now, the next thing are wrinkles. La chose suivante, c'est les rides. Wrinkles, les rides, are the most subtle. Sont les choses les plus subtiles. Signs of aging. Sont les signes les plus subtils de vieillissement. Spots, les taches, sont wrinkles, les rides, gradual, sont graduelles. You see that? Your face a little different. Tu vois que mais ton visage est un peu différent. Vitamin E deficiency. C'est comme si tu as une déficience en vitamine E. The color is a little different. La couleur est un peu différente. The shine is a little different. La brillance est différente. It looks a little whitish. C'est un peu blanchâtre. Slight, but you see, it's the sign that I'm getting old. So when a lady is very old, she's very wrinkled. Et quand une femme est très âgée, elle est très ridée. Now, God, et donc Dieu, wants to have, veut avoir, a young bride, une jeune femme. And all men want a young girl. Et tous les hommes veulent une jeune fille. They may not admit it, but they want it. Peut-être ils ne l'ont pas admis. How many brothers agree that you want it? Combien de frères pensent que c'est vrai? Jeremiah chapter 2, verse 2. Jérémie 2, verset 2. Go and cry in the ears of Jerusalem. va écrire aux oreilles de Jérusalem. Saying, thus saith the Lord. Ainsi parle l'Éternel. I remember thee. Je me souviens de toi. What do you remember, Lord? De quoi tu te souviens, Seigneur? The kindness of thy youth. De l'amour de ta jeunesse. Wow. The first thing is the kindness. Première chose, c'est la gentillesse, l'amour. Gentleness. Gentillesse. When I was in a relationship. Quand j'étais dans la relation. One time I felt sick. I got sick. Un jour je suis tombé malade. And my beloved came to visit me. Et ma bien-aimée est venue me rendre visite. She came to where I was lying down. Elle est venue là où j'étais couché. And she began to sing. Et elle a commencé à chanter. Yes. Oh oui. Singing. Elle chantait. You're singing. Elle chantait. She was singing. I don't know whether she was singing to the Lord or she was singing to me. Je sais pas si elle chantait à l'Éternel ou elle me chantait à moi. What I was singing. Oh, well. Mais elle chantait. Singing. Elle chantait. Kindness. La gentillesse. All the sickness went away. Toute ma maladie est partie. Now, maintenant, many older couples, beaucoup de couples âgés, well, quand quelqu'un ne va pas bien, they will say, ils diront, why don't you go to the doctor? Mais pourquoi tu ne vas pas voir le médecin? Have you been to see? Remember. Ou ils vont même pas se souvenir. Take your medicine or whatever. Oh, mais prends ton médicament. You well. C'est bon, ça va aller. Yes. True or not true? Vrai ou pas vrai? I remember thee. Je me souviens de toi. Je me souviens de toi. Thee. Je me souviens de the toi. Kindness la gentillesse of thy youth. Quand tu étais jeune. Yes. Yes. The gentleness. La gentillesse. The interest. Your being was of interest. Ton intérêt, c'était que je sois bien. Are you okay? Everything all right. Est-ce que tout va you bien? Okay? Est-ce que ça va? True or not true? Vrai ou pas vrai? I remember thee. Je me souviens de toi. But as the wrinkles appear, alors que les rides apparaissent. All these things disappear. Ces choses-là aussi disparaissent. So the wrinkles are the sign. Parce que les rides sont des signes. Hot love. De going down. Que l'amour qui était encore so chaud baisse. A glorious bride. Si tu veux être une femme glorieuse. Without one symptom of old age. Un symptôme de ton vieillissement. C'est cela. Couples, les couples, on the honeymoon, dans leur lune de miel. One brother showed me a photograph. Un frère m'a montré une photo of the bedroom de la in the chambre hotel. Dans l'hôtel. That they were entering into. Où ils allaient entrer. The honeymoon. Pendant la lune de miel. Such a bed before. Je n'ai jamais vu ce genre de lit avant. With rose petals. Avec des pétales de rose. All over. Partout. And on the floor. Sur le sol. As they were brought in. Quand on les amenait dans la chambre. And described. Et décrivait. How the beloved, comment la bien-aimée new husband connaissait le mari went into the shower, sont allés dans la dans la douche, to have a bath. Pour avoir un bain. Then he emerged. Et il a émergé in his pyjamas, avec son pyjama that looked like a political suit. Qui ressemblait à une tenue politique. She described elle l'a décrit how she was waiting for him. Comment il elle l'attendait. Open. Comment and l'attendait. He came to et her. Il est venu. But as the years go by, mais alors que les années sont passées, as the same husband emerges, alors que maintenant le même mari vient sous la douche, people will be reading their phones, les gens sont en train de lire leur téléphone, regardent même pas la personne. Who is there? Je dis, mais ah, c'est qui est là? They'll be looking at their phones. Et ils regardent leur téléphone. But he said, I remember. Oh, mais je me souviens. She was lying on the rose petal. Elle était couchée sur les pétales de rose. The softest bed you can find on earth. Elle était la créature la plus douce. Towards the shower room had a glass door. Et la salle de bain avait une vitre. She was waiting. Et elle m'attendait. Wow. That's how it is when you are young. C'est comme ça quand vous êtes jeune. And God said that I remember this. Et Dieu a dit je before me souviens de ces choses. And it's only avant que les rites viennent. WhatsApp messages. Ou maintenant c'est seulement par WhatsApp. As you have removed your wig. Alors que tu as enlevé ta perruque. And you are looking like a boy. Et tu ressembles à un garçon. Do you think she removed her wig on the first night? Est-ce que vous pensez qu'elle a enlevé? To look like a boy? Est-ce que vous pensez? I remember them. Moi, je me souviens God de toi. God remembers the young. That's why, you know, I tell my first love. Children that I am younger than you. C'est pour ça que je dis à mes, yes. aux gens de l'église, premier amour, je suis plus jeune que vous. Vous êtes fatigué, moi je ne suis pas fatigué. A certain couple. Un certain couple. Said, I remember. On dit, we je... could have sex three times. Ils ont dit, on se souvient, on a fait l'amour trois fois. Two, une fois, three. Deux fois, trois fois. Continuously. Continuellement. Non stop. Sans stop, sans arrêt. It's what we call bus stop to bus stop. C'est ce qu'on appelle d'un arrêt de bus à un arrêt de bus. But now, mais maintenant, the whole of September can go by. Tout le mois de septembre, on n'a rien fait. The whole of October can go by. Tout le mois d'octobre peut même passer. The whole of November can go by. Tout le mois de novembre peut passer aussi. And God in his word said, I remember. Et Dieu dans sa parole a dit, je me souviens de toi. You were fresh. Tu étais fraîche. You were excited. Tu étais excitante. You were interested. Tu étais intéressée. In God. À Dieu. In me. Et à moi. Oui. When I knew the Lord, I used to go pray and wait on the Lord. I still do. Quand je connaissais connu le Seigneur au début, je m'attendais au Seigneur pendant. Quiet time. I still do. I have longer quiet time. Je faisais des temps de dévotion. Je prends plus de temps. I talk to God more. J'en fais plus même. More. Plus. I need to. I talk. J'ai besoin. Je parle. One day. Un jour. A certain husband and wife were quarreling. Un certain mari et femme se querellaient. 8 years. C'était marié pendant 8 the ans. The wife said, My husband is driving me crazy. Et la femme disait, mon mari me rend folle. I said, why? She said, he does not speak. Elle dit, mais parce qu'il ne parle pas. So I called the husband. I said, why don't you talk to your wife? Et j'ai dit au mari, viens, pourquoi tu ne parles pas à ta femme? He said, I do not enjoy her topics. Et il m'a dit, j'apprécie pas ses sujets de conversation. Talking about things I don't, I'm not interested in what she's saying. Je suis pas intéressé frivolous. À ce qu'elle raconte. C'est frivole. C'est frivole. C'est juste dans les airs, des commérages. Ish. She was sitting by. Elle était assise à côté. She grew wild. Elle s'est énervée. Nonsense. Elle dit, aucun sens. You don't respect, you don't enjoy my talk. Toi, tu n'aimes pas mes conversations. You used to call me. Alors que tu m'appelais avant. 4 hours. Pendant 4 heures. 8 hours on the phone. Pendant 8 heures, on était au téléphone. Today you say you don't like my talk. Et maintenant, tu n'aimes pas mes conversations. You talk for till the morning. On parlait jusqu'au matin. One day, un jour, a certain beloved, un certain bien-aimé, and his beloved, et sa bien-aimée, something terrible happened. Quelque chose de terrible est arrivé. The beloved died. Bien-aimé est mort. When they found the beloved, quand ils ont trouvé la bien-aimée, in the room, they were not sure. When he died. Ils n'étaient pas sûrs du moment quand il était mort. So they called the beloved. Donc ils ont appelé la bien-aimée. Beloved. Et dit, est-ce que j'étais bien-aimé? C'est ton bien-aimé. Do you know when your beloved? When was the last time you spoke to him? Quel était le dernier temps quand tu lui as parlé? She said we were on the phone from midnight. On dit on était au téléphone jusqu'à minuit. So about 5 a.m. Jusqu'à 5 heures le matin. Midnight to 5 a.m. C'était de minuit à 5 heures. So I was so surprised. Et j'étais tellement surprise. Wow. That's beloved doses. Ça, c'est l'amour. I remember thee. Je me souviens de we toi. Could talk till the morning. On pouvait parler jusqu'au matin. So they knew that he must have died after. Donc, c'est là qu'ils ont compris qu'il était mort après la conversation téléphonique. I remember thee. Il dit, je me souviens de toi. To see me. Tu étais content de me voir. Tu priais fort en langue. When the church starts to have wrinkles, et quand l'église commence à avoir des rides, you see people, they don't talk anymore. Vous voyez des gens qui ne se parlent plus. Some of you, your parents, you see they are in the house, they don't talk. Certains d'entre vous, vos parents sont à la maison, vous voyez, ils ne se parlent même plus. True or not true? Vrai ou pas vrai? They're in the house, they don't talk. Dans la maison, just il ne parle television pas. Changing the channel. Il change juste les chaînes avec la télécommande. Quiet. Silencieux. God is looking for a church without spot. Dieu cherche une église sans tache. And without wrinkles. Et sans rides. That's our destiny. Ça, c'est notre destinée. We are going to be a young, flowing church. On va être une église jeune et qui suit le flot. I just called you and I tell you now this is your name. Hey! Vous voyez, je vous ai appelé, je vous ai dit voici votre nom. Vous étiez tous excités, vous avez crié. When you are a young flowing church. Quand vous êtes une jeune église. A young flowing bride. Une épouse jeune qui suit. Your husband calls you and says today. Votre mari vous appelle, vous dit mais aujourd'hui. Stand on your head. Aujourd'hui, on va juste s'asseoir sur ta tête. You say wow. Tu dis wow. How should I stand? Show me how to do it. Montre-moi. But if you are an old lady. Mais si tu es une personne, une femme âgée. You look at him, say, tu regarderas ton mari de la tête aux I'm pieds. Not one of those prostitutes, you know? Tu dis, ah, mais tu me prends comme une prostituée. With her gray hair. Avec ses cheveux gris. And glasses. Really et ses glasses. Lunettes épaisses. She would tell you. Now, we've passed that stage. On a passé ce stade. On a passé ce stade. Yes. Oh oui. One day, un jour, a certain man, un certain homme, he was in his office, il était dans son bureau, and one of the young girls, et une des jeunes filles, came to seduce him, est venue le séduire, and he was being seduced, et il était séduit, hey, as the young girl was doing things to him, alors que la jeune fille faisait des choses et tout, des positions devant lui, he could not control himself, il ne pouvait plus se contrôler, and he said. Et il a dit, I've not had that for a long time. Il dit, ça fait longtemps qu'on ne m'a plus fait ça. Tell somebody, I've not had that for a long time. Dis à quelqu'un, ça fait longtemps qu'on ne m'a plus fait ça. Oh, ça fait longtemps. Oh. True or not true? Vrai ou pas vrai? I've not had that forever. Ça fait longtemps que je n'ai plus eu ça. Longtemps. He could not control himself. Il ne pouvait plus As se contrôler. Young girl was just, I mean, tantalizing him. Alors que la fille s'est déambulée devant lui. It just blurted out. I've not had that for a long time. Il a dit, ça fait longtemps que je n'ai plus eu cela. Oh. Oh. Are you still around? Vous êtes toujours là? Glorious church. Église glorieuse. Glorious church. Église glorieuse. People don't understand why we wrote books like Model Marriage. Les gens ne comprennent pas pourquoi on écrit des livres comme Le mariage modèle. You see, marriage is not boyfriends and girlfriends. Parce que le mariage c'est pas petit copain, petite amie. Between Christians, la connaissance, is for life. Le mariage entre chrétiens c'est pour la vie. Young, beautiful ladies. Beaucoup de jeunes filles jolies completely wrinkled. Deviennent complètement ridées. He says, I remember the kindness. Et il dit, je me souviens de ta, de ton amour, de ta gentillesse. Of thine espousals. Et de l'affection. And how thou wentest after me. Et comment you tu wanted me, poursuis, me suivais. You wanted me. C'est toi qui me suivais. Isn't it nice to want somebody who wants you? N'est-ce pas bon d'avoir quelqu'un qui te veut? Isn't it worrying when you call somebody and you are not sure whether you are calling too much? N'est-ce pas déplaisant Maybe quand tu appelles quelqu'un, tu as l'impression que tu l'appelles trop? The person would also call back once. Et tu as envie aussi que la personne t'appelle au moins une fois en retour? But the person hasn't called at all. Mais la personne ne t'appelle jamais. The third time that I'm calling. Et toi, c'est toujours toi, la troisième fois que tu this l'appelles. The third time that I'm la troisième fois que j'appelle. This is the fourth time that I'm c'est calling. La quatrième fois que je l'appelle. And the person hasn't called back at all. Et la personne ne me rappelle jamais. Hein? So can you imagine how God feels? Pouvez-vous imaginer comment Dieu ressent les choses? The person who is calling a lot, quand la personne it's appelle like souvent, he wants you, c'est lui qui te veut. But you don't really want him. Mais toi, tu ne le veux pas vraiment. So it's always nice to like somebody who wants you. Et c'est toujours bien d'apprécier quelqu'un qui te veut. Is it not amazing? N'est-ce pas étonnant, merveilleux? Is it not fantastic? N'est-ce pas fantastique? Is it not supernatural? N'est-ce pas surnaturel? Hey. Do you want God as much as he wants you? Est-ce que vous voulez Dieu autant qu'il vous veut? I said, do you want God? Je dis, est-ce que vous voulez Dieu? As much as he wants you. Autant qu'il vous veut. Wow. You know, one day, vous savez, un jour, there was a certain brother. Il y avait un frère. He was married to his wonderful Christian wife. Il était marié à sa merveilleuse épouse chrétienne. And he was greatly in need of sex. Il était dans le grand besoin de sexe. Because he was not living with his wife. Parce qu'il ne vivait pas avec sa femme. He has traveled. Il avait voyagé. He has come, il était revenu. He was going. Et il était reparti. So, when he woke up in the morning, et quand il s'est réveillé le matin, he desperately wanted to have a moment of sexual happiness. Et il voulait désespérément avoir un moment de joie sexuelle. When he looked at his fantastic quand il a Christian. Regardé Why? Sa femme fantastique the chrétienne, way she was lying, la façon avec laquelle elle se couchait and has covered herself. Et comment elle était recouverte. Listen, are you listening? Est-ce que vous écoutez? Something told him. Shh, something told him. Quelque chose lui a it dit. It is inappropriate. Ce n'est pas, c'est inapproprié. To disturb this person. De déranger cette personne là. Because when he even as he was moving around, she has not even blinked an eye. Alors que lui marchait, this one has not moved up la femme, lui n'avait même pas réussi à cligner d'un œil. She knew. Et elle savait. So, and donc, many of us, when God wants to call you, the way your life is like where you work and how busy, like it's inappropriate for God to call you. Et la plupart d'entre nous c'est comme ça. From your job or from what you are doing, like it's inappropriate for Him to call you. Say, you, I need you. Oh, how can you go? Don't you know where I work? Don't you know my children? Don't you know my wife? It's out of order for you to call me. Quand Dieu veut vous appeler, il a l'impression que c'est inapproprié pour le moment où il veut vous appeler. So the beloved husband. Et donc le bien-aimé, l'homme, le mari, dressed up, il s'est habillé and went out. Et il est sorti. Then something occurred to him. Et quelque chose lui est venu à l'esprit. Go back. Repart. And see. Et va voir what is happening. Ce qui se passe in the room. Dans la chambre. So he came back. Et donc il est revenu. When he entered. Quand il est entré. Give me your glasses. Donne-moi les lunettes. Where's the phone? She was suddenly awake. Elle était soudainement éveillée. The one who looked inappropriate. Celle qui paraissait inappropriée. Called the person. Are you understanding what I'm talking about? Vous comprenez ce que j'enseigne? When he saw, he said, l'homme est venu et a dit, oh. For me, pour moi, it will be inappropriate. Even the eye didn't move like this. C'est inapproprié. Move your eye like this. Fais ton œil comme ça. Couldn't even move. Hey. Ça même pas ouvert l'œil. But something told him, come back and see. Quelque chose lui a dit, reviens dans la chambre. When he came back, il est revenu. She was awake. Et elle était what? Éveillée, bien éveillée. Wrinkles. Des rides. It's inappropriate to call you. C'est inapproprié de t'appeler. Many of my lay pastors, it's inappropriate to call them. Beaucoup de mes pasteurs, the way là, they are, even c'est inapproprié like, de les appeler. You should even feel afraid to call them. Parce qu'on a même, the way they are life and on a même they are... peur de les appeler. Yes. À cause de leur vie et tout ce qu'ils font comme occupation. C'est vrai. Even what you are wearing in the bed. Même ce qu'ils portent quand ils dorment. It shows that ça montre que tu n'es pas disponible pour ce soir-là. It's inappropriate. C'est inapproprié. What I am saying, is it true? Ce que je dis, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Wow. Wow. Sit down. Prenez place. Tell somebody no more spots, no more wrinkles. Dis à ton voisin plus de taches, plus de rides. I'm sharing with you your destiny. Je partage avec vous votre destinée. In your personal life. Dans votre vie personnelle. You'll be without spots, without wrinkles. Vous serez sans taches et sans rides. The church, l'église, will be without spots, sera sans tache, without wrinkles, sans rides. Yes, the church will be without the spots I showed you. L'église sera sans les taches que and je vous ai montrées. Without old age symptoms, sans ces taches, sans ces signes de vieillissement. It's inappropriate. C'est inapproprié. To call you. De vous appeler. To call on you. De vous appeler. A certain lady. Une certaine femme. She's just 40 something years old. Elle a à peine 40 ans de poussière. She told her husband. Elle a dit à son mari. In a local language. Dans un langage local. All this. Toutes ces choses. We have passed that stage. On a ça dépassé notre niveau. On a dépassé ce niveau. She's just 40 something years old. We have passed that. Elle a à peine 40 ans. Elle a dit on a dépassé ce niveau là. Nous Maybe, avons dépassé ce niveau. Yes. But like success, I mean, there's nothing like that. Yeah, we are past that. Elle dit non, nous avons dépassé ce niveau là déjà. All my stories are true. Toutes mes histoires sont vraies. Except the ones I tell you that it's not true. Sauf les histoires où je vous dis que c'est pas vrai. We are past that stage. Elle dit non, nous avons dépassé ce niveau là. On a des enfants déjà, c'est bon. She said it in her local language. Elle a dit ça dans son langage local. Yeah. And for some of us, when we say, "Go ye into all the world," et pour certains on dit va dans le monde entier. So we have passed that stage. Tu dis oh nous avons passé ce stade là. We say let's jump to the Lord. We have passed that dit, stage. Sautons pour le Seigneur. Tu dis non nous avons passé ce stade là. Let's go out witnessing. Ou allons évangéliser. Tu dis non. We've passed that stage. Nous avons passé ce stade là. It's a church with wrinkles. C'est une église avec des rides. Old church. Toute l'église. Can no more go on the street, can no more do outreach. Une église qui ne fait plus d'évangélisation, only qui va plus sur les rues. Over dignified funerals and dead ceremonies and traditions. Qui fait juste des traditions, des cérémonies funéraires. Hey. Wrinkles. Des rides. And as a married Christians, et en tant que couple marié chrétien, wrinkles will be gone. That's why les rides peuvent venir. Grown-ups go and look for small girls. C'est pour cela que les personnes âgées vont chercher des plus jeunes. This inappropriate. It's not appropriate to call. Non, ils en ont marre. The time of night or the time of day or the time of it's like how. Ils en ont marre des situations où on veut appeler la personne toujours inappropriée. Unspoken vibrations. Où ils subissent tout le temps des vibrations. Non verbal. You yourself should know. Toi-même, tu dois comprendre les signes, quoi. Wow. Are you here or you are leaving? Vous êtes ici ou vous êtes en train de partir? Tell your neighbor. Dis à ton voisin. Wrinkles are leaving me now. Les rides te quittent maintenant. All symptoms of old age are going out of Les symptômes du vieillissement partent de ta vie maintenant. God is going to bless you so much. Dieu va tellement vous bénir. Your husband is going to say, votre mari vous dira, I enjoy my old wife. J'apprécie more ma than femme when she was a small girl. Âgée plus que quand elle était jeune. Wow! Wow! Instead of your husband hoping that you will die, à la place d'un mari qui espère que tu meurs, he'll be praying for you to live. Au contraire, il doit prier pour que tu vives. Lot of Christian husbands are praying, oh God. Quand un chrétien, oh God, un mari chrétien, il prie, oh Seigneur. Yes. Oui. Yes. I can tell you more stories. Je peux vous raconter plus d'histoires. Now, the next destiny. Maintenant la destinée suivante. How many destinies do you have? Combien de destinées vous avez? 9. 9. Number 10. 10 maintenant. An establishment. L'établissement. An established church. Une église établie. An established life. Une vie établie. Amen. Amen. That's your destiny. You will be established. Ça sera votre vie. Vous serez établi. You will be established. Vous serez établi.